J'ai vu les belles jambes des filles de l'Espagne se dévoiler le soir au paso endiablé, finement ciselées de hardiesses coquines pour faire s'envoler leurs jupons bien légers qui fait briller les yeux des hommes attablés. J'ai vu les grands yeux si noirs des filles de l'Espagne qui brillent bien le soir sur les rambles fleuries comme ceux des manouches étoiles au firmament, promesses langoureuses d'un amour passionné et qui me fait rêver en ce beau soir d'été. J'ai vu les tailles fines des filles de l'Espagne, souples et bien prises, se plier sous la main, qui les accompagne au pas bien marqué, d'un pas enlevé et qui résonne en moi, comme ces souvenirs qu'on ne peut oublier. J'ai vu les doigts si nerveux des filles de l'Espagne se joindre tout là-haut sur leur tête de jet pour faire bien claquer les castagnettes d'or aux apatéados fébrilement rythmés et que j'entends vibrer au fond de mes pensées. J'ai vu les mains si belles des filles de l'Espagne lancer au torero les roses écarlates, hommage au vainqueur du combat singulier de l'homme et de la bête, mêlant leur sang versé parmi le sable blanc de la reine Aliès. J'ai vu ce troublant pays des filles de l'Espagne danser toute la nuit autour des feux de joie de Grenade à Séville. J'ai vu les jolies filles danser le flamenco et les danses gitanes. Jamais je n'oublierai les filles d'Espagne.